Chapitre 14. Avant la bataille. Il avait été dit que Ragnel et moi, nous nous couperions la gorge ou que nous ferions une paire d'amis. Nous venions de donner raison tour à tour aux deux cornes du dilemme. Le lecteur me connaît désormais assez pour deviner que cet entretien avait brusquement réveillé mes souvenirs et mon amour. J'étais prête à tout pour conquérir Hermine. Pour la sauver surtout, car je voudrais être bien précis, il y avait encore plus de dévouement que de passion dans le sentiment tendre qui m'entraînait vers Mademoiselle de Bois-le-Roi. À cette heure, il ne s'agissait pas de risquer sa vie, ni d'entamer aucune entreprise bien positivement chevaleresque. Et pourtant, j'avais le cœur serré comme à l'approche d'un très gros danger. Je dois ajouter que, pour la première fois, quelque chose en moi se révoltait contre mon métier de sorcier. J'ai expliqué, comme je l'ai pu, l'état de ma conscience. Je mentirais si j'accordais à sa voix plus de sonorité qu'elle n'en avait. J'affirme plutôt, en dépit de l'apparente contradiction présentée par cette phrase, que je ne croyais pas au talisman dont je me servais avec tant de fanfaronne confiance. Il y avait à l'époque, si tristement malade, il y avait le courant des mœurs, l'insouciance du langage. Il y avait aussi le milieu, ennemi de toute réflexion, où mon enfance s'était passée. Je n'avais aucun de ces fiers souvenirs qui sauvegardent une jeunesse. Ma mère ne m'avait pas dit « ceci est le bien et cela est le mal » et vivait « oh, je sais bien quel était l'honneur même » dans sa complète ignorance de la vie, aurait ri du meilleur de son cœur si elle avait su les prouesses de la bague de chanvre. Si donc, au moment d'employer mon amulette à un usage en quelque sorte solennel, j'éprouvais un scrupule tout à fait nouveau et inconnu, c'est qu'il s'agissait de Mademoiselle de Bois-le-Roi. Hermine, à mon insu, était la noblesse de mon âme, et je l'adorais d'en bas. Il avait fui bien loin le temps où je riais quand Catiche l'appelait ma fortune. Puisque le nom de Catiche vient sous ma plume, je sais de plaisir de répéter que la pauvre belle-fille, quoiqu'elle eût, certes, contribué beaucoup à me lancer dans mon genre de vie actuel, n'approuvait ni ma paresseuse conduite, ni les emprunts continuels que je faisais au hasard. Elle eût voulu faire de moi un homme à l'image de ceux qui tenaient le haut du pavé. Hélas, j'ai beau chercher dans ma mémoire, parmi ceux que Catiche me proposait pour modèle, je n'en retrouve pas un seul que je sois fâché de n'avoir point imité. Je ne sais pas trop comment cela se fit. J'avais parlé sans doute, avant de quitter l'hôtel, de l'abbé Terray, laissant percer l'intention où j'étais de livrer une grande bataille à la banque du chevalier Zeno. Toujours est-il qu'au moment où je franchissais le seuil de ce tripot fameux, je m'aperçus que la cour était pleine de carrosses. Curieux et curieuses grouillaient dans les escaliers. L'enfer du noble vénitien ne faisait point partie des 15 maisons de jeu officiellement ouverte sous la surveillance de Monsieur de Sartine, mais on ne le rangeait pas non plus dans la catégorie des tripots clandestins. Il fonctionnait coram populo en vertu de l'inviclabilité diplomatique garantie par le droit des gens. Une fois franchie la porte de Son Excellence l'ambassadeur de la République, les joueurs étaient sur le territoire vénitien. Le chevalier Zeno, qui descendait peut-être de l'illustre stoïcien de Citium et certainement du grand amiral, frère des deux plus hardis voyageurs du XIVe siècle, était le fils de l'aimable poète dont Métastase se vante d'être le continuateur. Il avait chez lui deux temples consacrés au hasard, une académie fréquentée par les gens riches de Touran et un coupe-gorge où les pauvres venaient perdre leur dernier petit écu. Il prétendait que la meilleure des deux affaires était le coupe-gorge. On disait qu'une très noble dame, tenant de près à la cour, patronnait son tapis vert. Il y venait des duchesses et des demoiselles du monde, des princes et des matotiers. Il tenait tout, jusqu'à 6 000 louis. Au-dessus, il fallait en référer au conseil de banque. Monsieur d'Arc, le fils naturel du comte de Toulouse, y avait raflé un coup de 500 000 livres, qui fut annulé parce que la mise première consistait, cela fut reconnu, en un faux rouleau de double louis d'or qui contenait des pièces de 6 liards. C'était une fort belle demeure, située non loin de la porte Montmartre, entre le boulevard et le cul-de-sac des jeûneurs. Il y avait d'immenses jardins. Le coupe-gorge avait son entrée par le cul-de-sac vis-à-vis du Chat qui danse, un des plus redoutables cabarets de Paris. L'inspecteur Genebois avait un bureau de record à deux pas, avec pompe à incendie. Il était aux environs de 2 heures après minuit quand je franchis, tout seul, la grande porte de l'hôtel donnant sur la rue Montmartre. Paris était alors plus sonore qu'aujourd'hui. Les gazettes élargissent la publicité, mais la font paresseuse. La rapidité avec laquelle un cancan se répandait en ce temps-là tenait du prodige. Il y avait des bavards enthousiastes qui obéissaient à une véritable vocation, courant la ville jour et nuit, on peut le dire. Rien ne saurait donner une idée de ce qui se débitait de nouvelles à la main parlée à la sortie de l'opéra ou de la comédie italienne. Je fus étonné de voir tant de carrosses. Je m'attendais bien à quelques curiosités soulevées, mais je trouvais qu'on me faisait en vérité trop d'honneur. La cour et la ville étaient là. Il y avait 3 générations de Richelieu, le vieux maréchal, Monsieur d'Aiguillon, qui tenait rang de premier ministre, et ce jeune fou de Fronsac, qui chassait terriblement de race. Je me souviens qu'il était avec le marquis Donat de Sade, condamné à mort cette même année par le Parlement de Marseille, pour des crimes qui ne se peuvent dire, mais qui se portaient encore assez bien 20 ans plus tard. Je reconnus aussi Monsieur de Sartines, qui passa près de moi et parut choqué du salut respectueux que je lui adressais. Comme il avait changé de perruque, il se croyait sincèrement méconnaissable. Un détail qu'il est bon de noter, j'avais rencontré à la porte mon ancien page, Joson Menou, fier comme Artaban, sous la livrée de Monsieur le duc d'Aiguillon. Il m'avait dit avec un restant de bienveillance « Faut pas mentir, monsieur le chevalier, c'est dommage que vous allez finir en prison. Mon frère Noël, qui est aussi calé qu'un conseiller, vous aurait pourtant déniché une bonne place si vous aviez voulu travailler honnêtement. Par la grâce du bon Dieu, les uns montent pendant que les autres descendent. Je suis pour entrer dans les bureaux, et v'là mademoiselle Vivette qui va passer marquise. Vivette ? M'écriai-je. Ne faut point faire semblant de rien que vous êtes son cousin, me dit Joson en se reculant du même nombre de pas que je m'étais approché. Ça lui causerait du tort dans Paris, et je ne tiens point à parler trop longtemps avec vous devant le monde. Je fus saisi à ce moment par un remous de la foule. C'était une 12 de petites belles de l'opéra qui arrivaient avec leurs attentifs, ce qui mit Joson en fuite à l'instant même. « Était-ce ma faute, voyons ?» Je lui criai pourtant. « Et mon oncle le Bihan ?» Mais il s'était plongé tête première dans la cohue des laquais. Toutes les demoiselles crièrent après moi. « Et son oncle le Bihan ? » « Est-ce vrai, chevalier ?» me demanda la guerre. « Que vous allez faire sauter Venise en commençant avec un écu de 6 livres ?»« Vous savez, » ajouta la Cartier, « que Monsieur d'Holbach appelait son quartier. L'abbé Théret est ici en mousquetaire gris. » Et une autre. « Madame Victoire a retenu la tribune pour voir travailler la bague de chambre. » J'étais un peu honteux de mon entourage, mais il fallait bien entrer ainsi. La salle de la roulette était comble, beaucoup de femmes, les toilettes s'y écrasaient. Je ne veux pas cacher que j'étais fort ému. Je reconnaissais là des figures qu'on ne voit point d'ordinaire dans les maisons de jeu. C'était évidemment un spectacle, un défi et aussi un scandale. Mon arrivée fit sensation, comme l'apparition de l'acteur en vogue. Il y avait des éventails qui semblaient me dire « Je vous défends de me reconnaître ». Il y avait des sourires qui me criaient « Bravo !». On me fit une large route pour gagner le tapis vert, où le Napolitain 30 cheveux, son frère, le commandeur 30 à Capelli, avait gagné des batailles navales, tenait la banque avec une extraordinaire majesté. Il avait fondé, lui tout seul, un ordre de chevalerie, prétendant qu'il descendait d'Absalon. Mon oncle et lui auraient pu mêler. Il trouvait quelquefois à vendre ses brevets. Plus d'une fois, dans le trajet de la porte à la table, où les joueurs me faisaient place avec une évidente ostentation, je sentis ma tête tourner. L'idée vague d'un danger était en moi. J'entendais encore ces bizarres paroles de Joson à mon oreille. « C'est dommage que vous allez finir en prison. Pourquoi ?» Mais dans mon trouble, ces autres paroles venaient. Mademoiselle Vivette va passer marquise. Comment ? Allons, chevalier, en avant ! S'écria Fontrailles, qui était de l'autre côté de la table. À la besogne ! Au moment où j'atteignais la table, je sentis qu'une main touchait mon bras. Je me retournai. C'était Catiche, toute pâle, qui me dit « Gaston, il est encore temps de vous arrêter. » « C'est pour Hermine, balbutiai-je. » Et comme elle essayait de me retenir, je la repoussais presque rudement.